qui parlent sont à peine adolescents. Le voilà, pauvre diable, à peine sorti du sale, bientôt concupissant, étourdi par l'encens. Le voilà si perdu, qui prêche dans ta rue. Je fais pas ce que tout ça. Allons bon, les gars, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tout ça? Allons bon. Bientôt concupissant, étourdi par l'encens, le voilà si perdu, qui prêche dans ta rue, les voilà assoiffés, dans l'écran de télé, pauvres marionnettes, ils ont perdu la tête. Tête froide, légère et malade, les voilà dans l'urgence, ambulant l'ambulance. Ils ont la tête froide, légère et malade, les voilà dans l'urgence, ambulant l'ambulance. Et la terre tourne, jamais elle ne s'arrête, et la pluie tombe, et pousse les vaquerettes. Oui, car la terre tourne encore, sur elle-même et autour du soleil. Et tout ça, ça fait la Voie lactée qui risque pas de s'arrêter. Une force en une histoire de cosmos. Un rôti par le sang, à peine adolescent. Les voilà, pauvre diable, à peine sorti ça, bientôt concupissant. Et tout dit par l'encens, les voilà super vus, qui prêchent dans ta rue. Les voilà, soirées dans les fronts de télé.